peuple dont on pourrait discuter des contours, mais contre l'État. C'était aussi la reprise d'une tradition française, finalement, qui n'est pas avec le poujadisme, mais de cet idéal de rassemblement national et de contestation radicale du système, qu'on pourrait aussi rapprocher du boulangisme au XIXe siècle, et par certains aspects également, ça pourra sembler paradoxal, mais du gaullisme aussi. Pourquoi ? Eh bien, le gaullisme, comme le poujadisme, a un peu après lui, et un peu avant aussi, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, prétendu rassembler tous les Français de tous horizons, dans un même mouvement de subversion d'un système qui lui semblait périmé. Donc, par certains aspects, il y aurait aussi des rapprochements intéressants à faire. Le poujadisme ne se laisse peut-être pas aussi, du coup, facilement que ça, enfermer dans une étiquette, par exemple celle d'extrême droite ou celle seulement de populisme. Il offre des reflets assez changeants. Alors, est-ce que le poujadisme est un mouvement, pour le coup, de droite? Parce que si on dit qu'il y a certains parallèles avec le gaullisme, on fait une erreur historique en disant que le gaullisme est de droite. Au départ, il est ailleurs. Hein. Oui. Est-ce que le poujadisme, c'est ça? Il est ailleurs ou lui, il est vraiment de droite? La tentation de lui mettre étiquette de droite, elle paraît naturelle, évidente quand on voit l'origine antifiscale de ce mouvement, les accents xénophobes qu'a pu prendre parfois son discours. Et après, Poujade a toujours essayé de se distinguer de cette étiquette en assurant que lui, il prétendait rassembler absolument tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a dans son parcours des choses qui semblaient aller dans ce sens-là. Le fait que, par exemple, l'acte fondateur du poujadisme, on y retrouve associé des élus communistes de la ville de Saint-Céré, dont il est originaire. Le fait que le Parti communiste, dans les tout premiers temps du mouvement, n'ait pas eu à son égard une attitude de rejet immédiat. Le parcours de Pierre Poujade lui-même, après tout, alors qui a été, durant la Seconde Guerre mondiale, membre de la jeunesse maréchaliste, avant de partir pour la résistance en Afrique du Nord et en Angleterre. Donc il y avait chez Pierre Poujade cette idée que son mouvement devait rassembler très largement. Mais il rassemblait pas d'abord, il n'avait pas d'abord vocation à rassembler les petits commerçants, ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce de proximité. Oui, c'est catégoriel au départ. C'est très catégoriel, puisque l'un de nos sujets va être le jeu des comparaisons entre le poujadisme et les gilets jaunes. Oui. C'est vrai que il y a chez Pierre Poujade une base sociale peut-être un peu plus étroite qu'aujourd'hui chez les Gilets jaunes. Le nom du mouvement qu'il va créer, qui évoque explicitement les commerçants et les artisans, marque assez bien la frontière, le public cible de ce mouvement. Celle des Gilets jaunes aujourd'hui, on voit bien que ça va assez au-delà. Et on parle de catégories sociales traditionnellement associées à la droite. Bon, alors on reviendra évidemment avec les parallèles, pertinents ou pas d'ailleurs, avec les Gilets jaunes. Enfin, en parallèle, donc on a dit au départ, c'est vrai que c'est quand même l'intérêt des commerçants autour du mouvement Poujade au départ. Et puis il y a l'émergence en même temps d'Édouard Leclerc à Landerneau, par exemple. Ça veut dire qu'il y a deux trajectoires à ce moment-là, l'une qui s'adapte à la modernité et l'autre qui la refuse. Oui, ça veut dire qu'à un moment où la France est en train de changer extrêmement rapidement, dans le contexte des Trente Glorieuses et des immenses transformations économique et sociale de cette période, il y a des gens qui voient l'opportunité de créer un nouveau modèle, et puis des gens qui vont être plus sur la préservation d'un modèle connu, qui est aussi leur gagne-pain. Effectivement, il y a deux voies assez distinctes à ce moment-là. Est-ce qu'on sait si Pierre Poujade avait des vues politiques importantes pour lui-même, peut-être des rêves de gouvernants? Est-ce qu'il avait ça, ou est-ce qu'il était porteur d'un projet à un moment donné, dans un contexte donné et particulier? C'est assez compliqué à dire. Qu'il se soit imposé très vite comme le seul patron de son mouvement, qu'il ait tout fait pour le demeurer, qu'il ait fait de son mouvement un parti politique qui a été à un moment bien représenté à l'Assemblée nationale, qui a eu vent en poupe, tout ça laisse penser qu'il y avait cette ambition d'aller au pouvoir. Et à la fois, on peut aussi voir des signes inverses, le fait que parfois Pierre Poujade est censé considérer tout cela un peu comme une grande farce, comme un geste de subversion du système, de dénonciation de ses élites, comme l'occupation d'une espèce de fonction de tribun, qui était peut-être plus son horizon que celui de prendre le pouvoir. C'est d'ailleurs intéressant de remarquer que c'est à peu près la même question qui se posera des années plus tard pour l'un de ces jeunes députés, Jean-Marie Le Pen. Absolument. Alors, Pierre Poujade n'imaginait peut-être pas que, bon, ça a été finalement une météore en politique, n'empêche que son nom a généré un adjectif, un mot politique que tout le monde connaît. connaît. Alors, je ne suis pas certain que tout le monde connaisse Pierre Poujade, mais le poujadisme, c'est aussi connu que le gaullisme. C'est incroyable, d'ailleurs. Et il a survécu des décennies après que ce mouvement a eu lieu. Alors, avec quand même... une connotation extrêmement négative hein, quand on parle du poujadisme. Ah oui, oui. C'est pour désigner au mieux un mouvement, une espèce d'éruption de colère désignant les élites. Et anti-tout, voire n'importe quoi. Anti-impôt, un peu vulgaire. Et puis dans le pire des cas, c'est pour désigner presque une forme de fascisme. Ouais. Il y avait à l'époque, je crois, dans la revue Esprit, un commentaire qui était paru pour dire que le poujadisme était un petit fascisme pour les petits Français. Alors, il y a la question de l'impôt. Alors, la question de l'impôt, évidemment, elle est récurrente. Il y a la question du consentement à l'impôt et au lien social qui l'est. Personne n'est content de payer des impôts, mais c'est un lien social fondamental. Oui. Là, le poujadisme, comme d'autres mouvements, rejette cette idée du lien social primordial. Quel est le rapport entretenu avec l'impôt ? Par le poujadisme, le rapport, c'est un rejet assez radical. Mmh. La formule de Pierre Poujade, lorsqu'en 1953 il vient interrompre le contrôle fiscal qui concerne des commerçants de la commune de Saint-Céré, c'est au contrôleur, vous direz à l'administration qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de contrôle. La procédure est vécue comme terriblement intrusive et prélevant une somme tout à fait injuste sur des gens qui gagnent honnêtement leur pain. Donc là, il y a l'idée que l'impôt en lui-même n'est pas légitime. Avec les gilets jaunes, on est, me semble-t-il, au départ sur un peu autre chose. C'est l'idée que si l'impôt comme forme de solidarité, de redistribution se défend, il y a des formes d'impôts, il y a des prélèvements spécifiquement qui ne sont pas justes, parce qu'ils sont trop élevés, parce qu'ils pèsent trop sur certaines personnes au détriment d'autres, et parce que l'usage qu'on va en faire est trop mal expliqué. Il me semble que tout ce qu'on dit là, ça correspond assez bien à la taxe sur les carburants qui a provoqué le mouvement. Et tant qu'on ne mettra pas en France cette fameuse réforme fiscale qu'on attend depuis longtemps, on met tout sur la table, et on voit ce qu'on peut faire. Tant qu'on fera pas ça, on aura toujours des poussées de fièvre comme ça. Pourquoi ne passe pas à cette grande réforme fiscale ? Certains y pensent. Je crois qu'il en est question. Il y a un grand débat qui s'ouvre ces jours-ci où le gouvernement nous invite chacun à y contribuer. Alors on entend plein de choses. On entend que l'impôt sur le revenu est troué de niches fiscales qui fait que c'est un impôt finalement qui a avec beaucoup de trous dans la raquette. Et plus on gagne, moins on paye. En gros. Que plus on gagne, moins on paye. Cette idée juste ou fausse. En tout cas, elle est prégnante dans la société. L'ISF a été supprimé et on sait le débat que ça a causé. Imaginez que la réforme fiscale puisse être faite une fois pour toutes, évidemment, pour déboucher sur un système fixe et parfait, et peut-être pas très raisonnable. Mais c'est vrai qu'on a en France un système, je crois que tout le monde s'accorde à le décrire, comme extrêmement complexe. Personne ne peut prétendre le saisir dans sa globalité. Personne ne saurait le décrire simplement en quelques minutes. Et que cette confusion, cette opacité ne participe pas au consentement à l'impôt, bien sûr. Bien sûr. Vous me faisiez remarquer, parce que là on va revenir à Poujade, vous me faisiez remarquer pendant le récit, et avec justesse, que dans les intonations de Pierre Poujade, on pouvait retrouver, ou plutôt le contraire, dans les intonations de Jean-Marie Le Pen, on pouvait retrouver certaines intonations tics de langage de Pierre Poujade. Mais justement, c'est effectivement au moment où les poujadistes entrent à l'Assemblée nationale que certains, Jean-Marie Le Pen, voit une brèche, il y va, il est tout jeune, d'ailleurs c'est le plus jeune député de l'époque, et on va écouter Pierre Poujade ensemble, qui raconte comment il a recruté Jean-Marie Le Pen. Lorsque j'ai constitué les listes en catastrophe, j'avais que mes hommes, c'est-à-dire des boutiquiers. Et donc, on s'est dit quand même, il faudrait quand même avoir autre chose que des crémiers, des mécanos, des bouchers. Non pas qu'on trouve ça, mais ayant conscience pour la propagande, c'était gênant. Donc, on a accroché le docteur Courrier, qui est un homme charmant, qui était dans l'Aube, qui a été élu, d'ailleurs, dans l'Aube. Et puis, comme j'étais en relation avec les organisations d'anciens combattants d'Afrique, n'est-ce pas, et vous savez que présidait Salan, rue de Naples, et le secrétaire général m'appelle un jour, il me dit, tiens Pierre, bon vieux, on a deux jeunes officiers qui nous arrivent d'Indochine, des types formidables. Ah ça, dis donc, toi qui cherches des candidats, il faudrait que tu les connaisses, etc. Bon, moi, je fais la connaissance de Le Pen et de Barquet. Effectivement, et excusez-moi de le dire, ils étaient beaux, ils étaient intelligents, ils avaient une gueule terrible, Ils me manifestaient des sentiments absolument fraternels. Ils déclaraient être dévoués corps et âme. Le Pen dans ses discours, n'est-ce pas? Moi, j'étais Jeanne d'Arc, j'étais du Guesclin, j'étais tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas? Maintenant, c'est lui, hein. Mais il se le dit comme ça, ouais. Je fais une petite tournée avec eux pour leur faire voir un petit peu ce que c'était qu'ils ont fait des meetings, n'est-ce pas, pour voir un petit peu ce que c'était que le mouvement, et paf, et je les parachute comme député, comme candidat. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, ça accroche tout de suite l'oreille. C'est le fameux n'est-ce pas qui devient dans les imitations de Jean-Marie Le Pen une sorte de gimmick et qu'on retrouve ici, que moi je découvre d'ailleurs dans la bouche de Poujade. C'est amusant d'ailleurs, c'est souvent assez saisissant dans cette émission d'écouter les archives, parce que les archives sont aussi des marqueurs du temps et ça passe par des codes et ça passe aussi par des codes de langage. Et vous avez entendu que Pierre Poujade parle, il dit c'était pas bon pour la propagande. Aujourd'hui on dirait pour la com. Oui, absolument. Et on parlait de propagande. Il fut une époque où c'était le terme usuel dans les partis. Le service communication. Bien, après cette parenthèse de forme, revenons sur le fond. Que reste-t-il du poujadisme dans le lepénisme de Jean-Marie Le Pen? Je parle bien de la période de Jean-Marie Le Pen. Oui. Alors déjà, un style, sans doute, avant tout, une faconde, ça on l'a entendu dans la manière de parler, jusque dans les, peut-être dans les tics de langage qu'on puisse transmettre de l'un à l'autre. Ensuite, la centralité d'un individu, Poujade pour le poujadisme, Le Pen dans ce qui est devenu le pénisme, et qui a été porté pendant longtemps, une quarantaine d'années, d'abord sur le style, le discours et les performances d'un seul homme qui aura concentré sur lui vraiment tout ce mouvement. Et puis après, politiquement, le populisme, la défense du petit contre les gros. Et puis, évidemment, chez Jean-Marie Le Pen aussi, le discours xénophobe du Front National. On en parlait au début aussi, quand on les regarde de loin, cette interrogation, au fond, ces deux hommes voulaient-ils conquérir le pouvoir ou l'un comme l'autre? La même question se pose. Faire prospérer une idée, boutique politique. Voilà, une boutique politique, un comportement, une geste politique. Voilà. Alors, même question, que restait-il du poujadisme dans le Front National d'aujourd'hui? Et là, on peut s'adosser à l'actualité autour des Gilets jaunes, la façon dont Marine Le Pen se tient aux côtés du mouvement, sans tenter manifestement de le récupérer directement. Donc, que restait-il du poujadisme dans le Front National d'aujourd'hui à travers les Gilets jaunes, si on veut bien établir des parallèles? Du poujadisme dans le Front National d'aujourd'hui, la défense des petits contre les gros. Donc ça, c'est resté. Le Pen, lors de ses dernières campagnes, a voulu concourir au nom des oubliés de la République. Alors, cela dit, le Front National, des origines, avait une base sociale qui peut-être le rapprochait un peu du poujadisme. Commerçants, artisans, professions libérales, elle s'est aujourd'hui considérablement élargie, et donc évidemment le discours et la stratégie du Front National ne peuvent plus être les mêmes que ceux du poujadisme. Mais l'idée, globalement, d'installer au cœur du combat une séparation radicale entre des petits qui souffrent et des gros qui profitent, c'est toujours aujourd'hui la base du Front National. Alors, maintenant, l'anti-parlement, parlementarisme, qui ne veut pas dire qu'on est contre les parlementaires, mais contre l'ensemble de la représentation politique, en estimant qu'ils font rien, qu'ils sont pas bons, tout ça. Bon, ça, on connaît ce que l'anti-parlementarisme est un lien entre le poujadisme et d'autres partis politiques d'aujourd'hui. Oui, on peut dire qu'ils le partagent. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une filiation, qu'ils se seraient transmis de l'un à l'autre. C'est une tradition politique française qu'on retrouve dans le poujadisme comme dans d'autres mouvements politiques et qui, effectivement, s'est assez bien voyagé jusqu'à aujourd'hui, même s'il faut constater qu'elle s'exprime à des moments où le Parlement n'a pas du tout le même rôle, la même importance. Bien sûr, on était sous la 4e République, une République parlementaire. Être anti-parlementaire sous la 4e ou sur la 3e, anti-pouvoir, voilà, ne revient pas à la même chose. Bien sûr. Anti-parlementaire sous la 5e. Et d'ailleurs, on constate qu'aujourd'hui... C'est pour ça que ça a pris un sens plus global, l'anti-parlementarisme. Voilà. Dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est plus que les députés, c'est l'ensemble de ceux qui nous gouvernent. On est presque plus anti-présidentialiste ou anti-macroniste, tout simplement, qu'anti-parlementariste, même si par extension, ce rejet découle sur une institution, l'Assemblée, qui est vue comme à la botte de l'exécutif et peuplée principalement d'élus dévoués au président Macron. Alors, on va écouter une deuxième et dernière archive ensemble. La voix de Dominique Borne, historien, qui était invité de Jean-Noël Jeannonnet sur France Culture dans l'émission Concordance des temps samedi dernier, le poujadisme, intitulé Une révolte. on est dans un passage de témoin entre deux classes moyennes en France. Hein. C'est ça le poujadisme. Hein. C'est une maladie infantile, si je puis dire, de la croissance. Hein. C'est une grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'on est au début des Trente Glorieuses. Absolument. Avec l'absence de chômage, pratiquement. Et que la croissance va effacer, en fait. Hein. Aujourd'hui, les choses sont tout à fait différentes, avec le chômage, avec aujourd'hui, un sentiment d'inquiétude sur l'avenir. Il y a un climat général de désespérance, si je puis dire, hein, de manque d'avenir dans beaucoup de régions de France, et en particulier de régions qu'on appelle les régions périphériques, hein, et que, autant les gilets jaunes prennent appui sur, physiquement, sur des, ce que j'appelle des non-lieux. Un rond-point, un péage d'autoroute, un parking du supermarché, ce sont des non-lieux, ça, c'est des lieux qui n'existent pas, qui ne font pas société, si je puis dire, hein. Autant le poujadisme s'accroche à des lieux réels, la terre, le petit paysan, la boutique, la halle sur le marché. Donc c'est une autre France hein, que dessinent les deux mouvements. Hein. C'est une autre France qui était enracinée, qui tenait cet enracinement, tandis que la France des Gilets jaunes est une France qui ne sait plus où elle habite. Alors c'est passionnant ce que dit l'historien Dominique Borne, et il nous emmène, là on voulait déjà aller, sur le catalogue, si je puis dire, des différences et des points communs entre le poujadisme et les gilets jaunes. Alors elle est intéressante, il y a la première considération, on était en période de croissance pendant le mouvement Poujade, on est en période de crise économique aujourd'hui, ça se nuance ça cela dit. Ça se nuance. Alors le constat global est exact parce que sous Poujade, Trente Glorieuses, évidemment, période d'expansion et de modernisation de la France. Dans le cas particulier des commerçants et des artisans, on est à un moment un peu particulier. 53, on est un ou deux ans après une politique de déflation qui a été menée par le gouvernement Pinay et donc qui a pour conséquence de limiter la possibilité de faire valser les étiquettes hein, pour les commerçants. Donc on comprend le problème que ça leur pose. Et peut-être la réaction que ça contribue à expliquer chez eux. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que il y a évidemment un lien entre la situation économique et sociale d'un pays et l'émergence de formes de contestation radicale de son système politique. Ça n'est pas toujours vérifié et il y a une certaine autonomie de ce phénomène populiste par rapport à la situation économique d'un pays. On connaît des pays dont la situation économique est catastrophique et qui, jusqu'à assez récemment, n'avaient pas ou peu d'extrême droite. Espagne. Je pense à l'Espagne. Alors, il y a un parti qui s'appelle Vox qui est apparu récemment, qui a fait une apparition remarquée, mais c'est récent. La situation économique de l'Espagne est-elle mauvaise depuis bien longtemps? On constate au contraire qu'il y a d'autres pays, dont la situation économique est bien meilleure. Je pense aux pays scandinaves. Suède. Allemagne, Autriche, ils vont relativement bien, comparativement bien, et on voit que s'ils développent... Voilà, l'extrême droite qui gonfle. Donc il y a une certaine autonomie entre les deux. On voit des similitudes aussi aujourd'hui, peut-être, hein, avec les poujadistes, dans le rejet des élites, mais teintées parfois de haine. On a entendu des propos de haine hein, contre Emmanuel Macron dans les rangs des Gilets jaunes. Et il ne peut pas dire le contraire, il nous dit. Chez les poujadistes aussi, il y avait ce côté un peu haineux. C'est un lieu commun. C'est un point commun, pardon, entre les deux. C'est un point commun de mouvements qui se distingue par un rejet radical des élites. L'idée du populisme, qui réunit des mouvements extrêmement divers, mais l'idée de base, c'est que le peuple, fondamentalement, est quelque chose de sain, de vertueux, par essence, et qui exprime toujours une forme de vérité. Voilà. Et que les élites, le trahissent, agissent contre ses intérêts, complotent contre lui, et donc qu'elles sont vouées non seulement à être désignées, mais à être sorties de force. Donc, la désignation violente de ces élites, c'est vraiment dans l'essence du populisme. Et dernière chose, et là je rebondis encore sur... je reviens à ce que disait l'historien Dominique Borne chez Jean-Noël Jeannonnet, la métaphore du rond-point, c'est-à-dire le non-lieu d'un... Sous la quatrième république, du temps de Pierre Poujade, il y avait effectivement un lieu d'enracinement, la terre ou les commerces. Là, on est effectivement sur des non-lieux, les ronds-points. Ben, c'est ni le village, c'est ni la place publique, c'est ni le commerce concret de proximité. C'est pas nulle part non plus. C'est ailleurs. C'est pas nulle part. Quand on parle des commerçants, des artisans que défend Poujade, on parle de gens qui, quoique dans des situations parfois difficiles, possèdent déjà quelque chose. Ils ont un petit capital, c'est leur boutique. Ils ont un métier qui s'inscrit dans une histoire, dans une tradition. Il y a des solidarités qui jouent. L'étincelle du mouvement Poujade, c'est un mouvement de solidarité des commerçants de s'insérer contre un contrôle fiscal. Dans le cas des Gilets jaunes, on y retrouve évidemment des petits patrons, commerçants, artisans sans doute. On y voit aussi beaucoup de gens qui soit n'ont pas d'emploi, soit ont des petits boulots, des temps partiels, mal payés. Et manque de repères au propre comme au figuré. S'y reflète c'est... aussi l'atomisation oui. du monde de travail, mmh. des modes de travail, des gens qui dans des professions qui n'ont pas forcément de solidarité bien établie, pas de syndicats, pas de représentants forcément, et la solidarité se construit sur ces ronds-points. Parfait, ça sera le mot de la fin de Dominique Albertini, je rappelle, journaliste au service politique de Libération, notre journal partenaire une fois par mois. Merci, merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Pierre Poujade et son mouvement, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles des sites de France Inter, bien sûr. Et merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui, à suivre sur France Inter, bien sûr, Pop Pop Pop avec Antoine Decaune.